Qu'est-ce que vous avez comme réponse? Alors, pourquoi on vous casse les pieds? Parce que j'ai mon voyage. Parce que vous avez votre voyage. Pourquoi les entités sur les autres plans n'aident pas mon travail sur le plan matériel? Mais pourquoi on n'aide pas mon travail? Un autre niveau. Est-ce qu'ils le comprennent, mon travail? Vous savez, je vous ai déjà dit dans une conférence générale, moi, quand je vous dis quelque chose, je sais toujours ce que je veux dire. Je vous ai dit dans une conférence générale, j'ai dit, je suis l'ami de l'homme. Mais je suis l'ami de l'homme à un point tel que l'homme ne peut pas le réaliser aujourd'hui. Et le plus vite les hommes pourront le réaliser, le plus vite les gens pourront réaliser que tout ce qui sort de ma bouche sert l'homme, le plus vite les gens pourront commencer à se désengager et à comprendre le mécanisme infernal qui s'abat sur le globe et qui va s'abattre pour la prochaine génération. L'intelligence réelle de l'homme est un rayon. Elle est un pouvoir, c'est une conscience, c'est une manifestation. Et cette intelligence, elle est très grande. Et lorsque les hommes pourront vivre de cette intelligence, vivre à l'intérieur de cette énergie, les hommes ne souffriront plus sur le globe matériel. Les hommes ne seront plus même affectés par les conflits entre les nations. Mais ce que les hommes doivent dompter en eux, c'est le fait qu'ils sont naïfs, c'est leur naïveté. Les hommes sont pris entre moi et l'astral, moi et l'astral, moi et l'astral, et qu'est-ce qu'on choisit? L'astral, calice, pas moi, l'astral. Je comprends pareil. Un petit break. Bon. Ce que j'appelle la télépathie ambiante maintenant. La télépathie ambiante, c'est tout le matériel. C'est tout le matériel psychologique qui sert dans la vie de l'homme. La psychologie ambiante, c'est très vaste. Et quand je dis que c'est tout le matériel psychologique qui sert dans la vie de l'homme, je veux dire que c'est tout le matériel dont se sert l'homme pour avoir l'impression d'exister. Tout ce qui donne à l'homme l'impression d'exister fait partie de la psychologie ambiante. Autrement dit, tout ce qui permet à l'homme d'avoir l'impression d'un « je » fait partie de la psychologie ambiante. Tout ce qui... Parce qu'il y a une personne qui m'a fait un point intéressant tout à l'heure. C'est pour ça que quand je dis quelque chose, il faut être bien perspicace, puis il faut faut interpréter ce que je dis. Il faut attendre souvent pour comprendre. La personne, elle dit, moi, quand je veux descendre ma volonté, je dis « je ». Bon, OK. Ça, c'est bon, ça. OK. Mais votre « je », votre « je », quand vous l'employez, votre « je », vous ne l'employez pas toujours en fonction de descendre votre volonté. Vous employez votre « je » à toutes les sauces dans votre vie. Les moments dans votre vie où vous employez votre « je » à descendre votre volonté sont très peu nombreux. Alors, les moments dans votre vie où vous fonctionnez au niveau du « je » sont les moments qui servent à canaliser sur le plan matériel dans votre existence toute la psychologie de la télépathie ambiante. Un jour, quand vous vous fâchez, vous dites, là, ben, je n'ai assez, là. Là, à ce moment-là, vous liez votre « je » avec votre volonté. Fait qu'automatiquement, votre « je » devient créatif. Fait que vous avez deux façons de vous servir de votre « je ». Vous avez une façon créative qui est volontaire, qui est intransigeant, puis c'est ça, puis c'est ça. Puis il y a l'autre façon, il y a l'autre aspect de votre « je » que vous servez pour vous donner un peu de... Fait que la personne a raison. À faire de son « je » quand elle veut réellement mettre... Faire descendre cette volonté-là. Mais dans la vie des gens, la psychologie ambiante est tellement vaste, est tellement subtile, est tellement subliminale, que les gens ne réalisent pas que leur jeu est fait de cette psychologie ambiante-là. C'est pas un jeu créatif qu'ils ont, les gens. Ils ont un jeu totalement passif. Si vous vous serviez de votre jeu créatif, ou de votre moi créatif, si vous vous serviez de la colère de votre esprit qui fait partie, qui fait éclater, qui fait vibrer le jeu créatif, qui le rend créatif, le jeu, parce que c'est la colère de l'esprit qui rend le jeu créatif. C'est la colère de l'esprit qui vous fait prendre des décisions dans votre vie que vous n'avez pas été capable de prendre pendant 40 ans, puis 20 ans, puis 25 ans, puis 10 ans. Alors, cette colère de l'esprit-là alimente votre jeu et lui donne sa vibration créative et fait descendre en lui cette énergie qu'on appelle l'énergie d'intelligence. Parce qu'à ce moment-là, ben, au moins, vous ajustez votre vie à votre intelligence au lieu de vivre votre vie à la manipulation qui provient du lien entre vous et les sphères que j'appelle la télépathie ambiante. J'ai une raison pourquoi est-ce que j'appelle ça la télépathie ambiante. Je vais vous en parler plus tard. Pauline, elle vient de me dire, elle dit, y a-tu des trucs pour arrêter de vibrer? J'ai dit, plus on se conscientise, plus on devient sensible à tout ce qui nous crée une tension. Fait qu'on vibre. Fait que c'est pas qu'on va arrêter de vibrer dans la vie, on n'arrêtera jamais de vibrer dans la vie. Le seul temps que tu ne vibres pas dans la vie, c'est quand tu es dans ton médium à toi. Quand tu as créé ton éther à toi, tu es dans ton environnement. Autrement dit, quand tu vis ta vie sous ton contrôle, sous le contrôle de ton intelligence, tu ne vibres plus parce que tout ce qui est dans ton atmosphère, tout ce qui est dans ton environnement, ça fait partie de tes vibrations. Si tu restes dans une forêt, puis tu es un petit gars dans une forêt, puis tu coupes ton bois pour le matin, mais c'est évident que tu ne vibres pas bien gros. Parce que tout est en harmonie avec ton corps, avec tes corps. Mais aussi, tu vas sur la rue Sainte-Catherine, puis il y a un taxi driver qui te klaxonne dans le cul, là, tu vas vibrer. Alors, c'est pas qu'on arrête de vibrer. Plus on se conscientise, plus on est vibrant. Mais plus on se conscientise, plus on développe une volonté qui nous amène éventuellement à détruire notre psychologie d'ambiance pour nous créer une psychologie totalement créative, qui est la psychologie de notre intelligence et qui est la manifestation de notre jeu volontaire sur le plan matériel. Mais ça prend des années, ça se fait pas tout d'un coup. Parce que notre psychologie ambiante est tellement vaste, pis c'est pas qu'elle est raffinée, mais subliminale. Puis on s'en aperçoit pas, on le réalise pas. Je vous donne un exemple de la permanence de la psychologie ambiante. Là, on ne pourra pas parler de titre parce que quand on est titre, les vibrations sont différentes. Mais quand vous êtes chez vous, là, quand vous êtes sur la rue, vous marchez sur la rue, là. Alors, vous remarquez, il y a tout du matériel qui passe dans votre mental. Tout du matériel. Tout du matériel. Il y a tout quoi de chaud. Tout quoi de chaud. Ça arrête pas. Il y a tout quoi de chaud. Une niaiserie. Si vous vous arrêtez, là, si vous en prenez conscience, là, ça peut continuer ou ça peut arrêter. Si ça continue, c'est parce que votre niveau de conscience n'est pas suffisamment avancé. C'est-à-dire que vous n'avez pas en vous suffisamment d'intelligence pour interpréter instantanément la psychologie de l'ambiance. Si tu as suffisamment d'intelligence pour interpréter instantanément la télépathie ambiante, elle arrête. Parce que ça équivaut à voir dans leur jeu. Fait qu'arrête. Mais si tu es pas assez dans ton intelligence, autrement dit, si ton esprit n'est pas assez vif, autrement dit, si ton esprit est encore alourdi par les formes, la télépathie ambiante se fait, puis tu ne réalises même pas, tout d'un coup, tu es pris dans le courant. Tu penses avec eux autres. Comme un vrai yo-yo. Tu joues leur game au bout. Si tu te conscientises, là, tu commences à réaliser que whoop, il se passe quelque chose dans ta tête, mais tu n'es pas encore assez conscient pour comprendre instantanément le jeu. C'est ce point-là que je vais faire dans la deuxième section. Moi, je vous dis qu'il n'y a absolument rien de la psychologie ambiante qui peut passer dans votre cerveau qui puisse vous servir. Quand je dis rien, il n'y a rien. Zéro. Ça veut dire que, ultimement, l'homme devra vivre 24 heures par jour la tête vide. Mais pour que l'homme vive 24 heures par jour la tête vide, faut qu'il soit conscient 24 heures par jour. Parce qu'aussitôt qu'il perd sa conscience, la psychologie ambiante arrange. C'est justement ce mécanisme-là qui a créé, depuis la fin de la quatrième race de l'Atlantide et le début de la cinquième race des Indo-Européens, le phénomène de lamentation chez l'homme. C'est comme ça que l'homme a commencé à penser. Si la psychologie ambiante s'était pas manifestée à travers le cerveau de l'homme, l'homme n'aurait jamais appris à penser. Il n'aurait jamais appris à penser. Parce que pour qu'il développe la faculté de penser de l'homme, il faudrait qu'il y ait quelqu'un de l'autre bord qui communique avec lui. Parce que la pensée, le phénomène de la pensée, c'est toujours, ça demeure toujours, ça demeurera toujours un phénomène de communication. Puis quand on est conscient, on réalise que c'est un phénomène de communication, c'est un phénomène de télépathie ambiante. Alors, quand le phénomène de télépathie ambiante a commencé sur la Terre, l'homme a commencé, ici, sur le plan matériel, à avoir l'impression de penser. Puis c'est là que s'est développée la pensée, puis ça s'est raffiné, puis ça s'est raffiné, puis ça s'est raffiné. Puis ça a fini au 19e siècle avec la logique mathématique, puis ça a donné à la science moderne, tout ça. Bon. Mais quand l'homme s'avise, puis que l'homme commence à comprendre les lois de la psychologie ambiante, son ego, lui, perd quelque chose. Parce que faut que vous réalisiez que l'ego de l'homme, ou la personnalité de l'homme, ou le moi de l'homme, ou son jeu, il a été formé pendant des années à la psychologie ambiante. Pendant des années, depuis qu'on est petit gars, qu'on est assujetti à la psychologie ambiante. Fait que tu peux pas demander à un ego à 20 ans, ou à 25 ans, ou à 30 ans, ou à 40 ans, de commencer instantanément à perdre la psychologie ambiante. Faut qu'il fusionne pour ça. Mais s'il fusionne pas, à ce moment-là, il appare lentement la psychologie ambiante. Mais comment est-ce qu'il appare? Il appare quand il réalise. Il appare quand il est capable d'instantanément l'interpréter. Mais les gens n'ont pas développé encore ce que j'appelle la ténacité de leur esprit. Et la ténacité de l'esprit de l'homme, c'est une vibration, c'est une qualité de l'esprit de l'homme qui fait que ça commence quand tu commences à être intelligent. Si tu ne commences pas à être intelligent, là, tu n'as pas encore la ténacité. Moi, je vais l'expliquer la ténacité, dans le sens que je veux le dire. Pour avoir de la ténacité dans l'esprit, il faut avoir de l'intelligence. Il faut être un peu en dehors de la psychologie ambiante. C'est-à-dire qu'il faut être capable, il faut avoir les reins assez forts émotivement et mentalement pour commencer à découdre le vêtement qui a été qui nous a servi à nous habiller dans notre fausse personnalité. Faut que tu commences lentement à le découdre. Tu commences à le découdre. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'instantanément, tu puisses interpréter les pensées qui te viennent de la psychologie ambiante ou ce qui vient. Y en a-t-il un qui pense, là, tout de suite, là? Il n'y a pas de pense, il n'y a personne qui pense à ça. Tu pensais-tu pendant que je parlais, toi? Qui c'est que tu pensais? Ah, tu, ah, ok, correct. C'est assez difficile de penser, là, en dehors de ça, ben, ok. Qui c'est que t'avais, toi? Je pense à tuer le juge. Tu pensais à tuer le juge? C'est pas bête, pantoute. C'est pas bête. Regarde bien ça. Demande-toi dans ta tête d'où ce qu'elle vient, cette pensée-là. Ça vaut toi. Où ça, toi? Ça dit de ta face. De ta face. Demande-toi si ça vient d'eux autres. Ça dit non. Ça vient de ça. Demande-toi si c'est vrai que ça vient pas d'eux autres. Voilà. OK? Autrement dit, aussitôt que tu penses, même quand tu penses que ce que tu penses, c'est quelque chose qui est en ta faveur, ça fait partie de la psychologie d'ambiance. Comment tu veux dire? Autrement dit, ce que je vais expliquer là, c'est que lui, il pense une pensée qui est créative. OK? Il pense une pensée. Écoutez bien ça, c'est bien subtil ça. Là, moi, je t'ai parlé à parler quelque chose, là. Là. Lui, il pense à tuer le juge. Autrement dit, la pensée qu'il pense est pensée en fonction de ce que je dis, moi. Comprends-tu? Mais ça change pas le fait, tu penses. Autrement dit, c'est pas parce que moi, je parle, puis que je dis quelque chose, puis que lui, pense quelque chose qui est en faveur, ou en liaison, ou en parallèle avec ce que je dis. C'est le fait qu'il pense. Il devrait pas penser pantoute. La psychologie d'ambiance, c'est tellement permanent, c'est tellement dans l'homme que c'est pour ça que c'est si difficile à l'homme de réaliser qu'est-ce que c'est la différence entre l'intelligence pure, autrement dit la télépathie directe, et la psychologie ambiante. Mandons si ça fait partie de la psychologie ambiante, ce que j'ai, l'affaire de tuer le juge. Ça dit non. Ça dit non. Mandons si c'est vrai. Ah, tu vois comment est-ce qu'ils sont têtus, les enfants de chienne, hein? Mandons pourquoi est-ce qu'ils sont têtus de même? On est tannés. On est tannés. OK. Ils sont tannés de quoi? De la vie. Ils sont tannés de la vie. Imagine-toi. Ils sont tannés de la vie. Quelle sorte de vie? La vie de l'amour. La vie de l'amour. Ils sont tannés de la vie de l'amour. T'es au bout, écoute bien ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par la vie de l'amour? La fin de tout. La fin de tout? La fin de tout. Bon, c'est pas assez clair. Mais il y a une affaire que je veux dire là-dedans, là, pendant que ça ressort. Quand tu es en contact avec des entités qui sont évoluées spirituellement, comme ceux qui communiquent avec lui, t'as deux options. T'as l'option d'être très spirituel ou t'as l'option de ne pas pouvoir voir à travers la télépathie ambiante parce qu'elle est trop raisonnable. Quand ils disent aux autres, tu juges. Ce qu'ils transmettent dans son cerveau à lui, c'est leur propre écœurement à eux autres. Lui, ça concorde sur le plan matériel avec ce que moi je dis. De sorte qu'il y a une correspondance entre ce qui est dit dans les plans invisibles, dans les sphères de la psychologie ambiante, et ce qui se passe sur le plan matériel. Fait que le gars, lui, qui ne sait pas, disons comme lui, automatiquement, il a l'impression qu'il est dans son intelligence. Quand il n'est pas dans son intelligence, il est encore dans la psychologie ambiante. Comprends-tu ce que je veux dire? Ça se comprend-tu, ça? Oui. Ça va. Eux autres sont écœurés. Ils manifestent leur écœurement à lui sans travestir leur réalité. Fait que lui, il prend un que le matériel de leur écœurement qui convient avec le genre de langage que moi j'établis sur le plan physique. Fait que lui, il est dans l'impression d'être dans son intelligence. Quand il n'est pas dans son intelligence, il est encore dans la psychologie de l'ambiance. C'est pour ça que je dis, vous allez me dire, mais c'est-tu mieux d'avoir des pensées créatives qui viennent d'être intelligents comme eux autres que de rien avoir? Moi, je vais dire, t'es mieux de rien avoir. Mais si t'as quelque chose, t'es mieux d'avoir des pensées créatives qui viennent d'être comme eux autres. À condition que tu sois conscient d'eux autres. Sans ça, si t'es pas conscient d'eux autres, si t'es pas conscient de leur écœurement, puis ça te passe dans ton cerveau, puis tu sais pas que ça existe, cette affaire-là, puis tu manifestes ça sur le plan physique, tu te trouves en prison, tu te trouves déprimé. Comment tu veux dire? Autrement dit, que vous regardiez la condition de la télépathie en mer de n'importe quelle façon, si vous savez ce qui se passe, vous êtes correct. Si vous savez pas ce qui se passe, vous êtes foutu anyway. Mais si vous savez ce qui se passe, là, vous êtes correct parce que, éventuellement, vous allez pouvoir déterminer instantanément que c'est de la psychologie ambiante. Parce que quand tu es dans notre... J'ai déjà dit que de l'intelligence, c'est pas de l'intelligence. Que l'intelligence, c'est une énergie qui se manifeste dans l'homme et qui crée quelque chose. C'est ça de l'intelligence. Fait que quand t'es fusionné, quand t'es en avancé en fusion, quand t'es dans cette énergie-là, quand t'es plus affecté, autrement dit, par la psychologie de l'ambiance, par la télépathie d'ambiance, automatiquement t'es dans ton intelligence. Fait que si automatiquement t'es dans ton intelligence, t'as pas besoin de personne pour te le dire. T'as pas besoin de personne pour manifester un jugement quelconque envers ou envers ton action. T'as pas besoin de personne pour te donner une option quelconque. T'apprends toi-même l'option. T'assieds toi-même l'option. Elle est inédite, l'option. Puis, elle devient l'option manifeste dans ta souffrance. C'est jamais dans vos pensées que vous allez résoudre vos problèmes. C'est jamais dans vos pensées, par le biais de votre psychologie d'ambiance, que vous allez faire descendre votre volonté sur la terre. C'est dans la souffrance. Je vous l'ai déjà dit, ça. Quand vous allez en avoir plein de cul, vous allez mettre de la hache dedans. À ce moment-là, ça descend. Automatiquement, ça descend. Aussitôt que tu souffres, tu mets la hache dedans, tu chantes. Sauf que tu m'arraches de l'argent. Là, à ce moment-là, tu rentres dans ton énergie, tu rentres dans ton énergie. Tu n'as plus besoin de s'écrater là en haut pour dire si c'est correct ou si c'est pas correct. Comment tu veux dire? Mais nous autres, à cause de la psychologie ambiance, puis à cause de la perméabilité de la psychologie ambiance, puis à cause de sa permanence, on est toujours dedans. On trafique tout le temps avec eux autres, tout le temps avec eux autres. Fait que quand t'es rendu avec des moineaux, là, ben avancés dans les sphères astrales, comprends-tu? C'est facile pour eux autres de concorder ce qu'ils disent avec ce que toi, tu voudrais entendre. Parce que ils sont dans la même situation que toi. Ils sont tous les deux prisonniers. Eux autres, lui, il est prisonnier, l'autre bord, le yo-yo. Il est prisonnier de l'amour, il est écœuré de l'amour. Comprends-tu? Ben pourquoi est-ce qu'il est écœuré de l'amour? Parce que sur le plan matériel, il y a un homme qui le sait, ça. Fait que là, ça revient, là. Parce que moi, quand je vous parle, ça remonte dans les sphères, là-bas. Moi, je leur brosse le cul chaque fois que j'ouvre ma gueule, ça. Fait que chaque fois que j'ouvre ma gueule, je leur brosse le cul parce que c'est rien que par moi que ça passe, ce que je dis. Fait que ça fait un cercle. Fait que quand je veux leur brosser le cul, j'ai rien qu'à parler bien gros. Fait que je parle, là, puis là, ça remonte dans les sphères, puis eux autres paniquent en haut, puis là, ils te ramènent ça ici. Jusqu'à temps que ça passe plus ici. Comment tu veux dire? C'est pour ça que des fois je vais être des gens qui aiment ça jaser. Je vais dire, je peux pas en parler de ça. Je peux pas parler de telle chose parce que je veux pas brasser des sphères. Je veux pas que les sphères sachent certaines choses. Fait que je ferme ma gueule, j'attends quelque temps. Mais quand je parle ici, ça remonte en haut parce qu'ils ont des oreilles, laisse-moi dire. Ils sont pas physiques, bien entendu. Ils savent ce qui se passe. Ils watch. Ils sont là qui watch. Fait que tu comprends qu'ils m'ont à l'œil. Parce que plus je parle, moins ils citent. Puis plus ça passe par vos cerveaux à vous autres, plus ça crée en haut de la révolte. Et la révolte, comme ils ne sont pas encore conscients, puis comme ils ne savent pas encore ce qui se passe, puis comme ils sont tous troublés, à ce moment-là, ça redescend dans vos cerveaux, puis c'est un cercle. Fait que, moi, je parle. Ça les révolte. Ça fait descendre ici du matériel dans vos cerveaux. Jusqu'à temps que vous autres, vous en arrivez à comprendre tellement le jeu que vous coupez avec ça. Complètement. À ce moment-là, ils perdent le pouvoir et la télépathie ambiante ne peut plus exister, ne peut plus vous affecter. Écoutez bien celle-là. Qui c'est qui disait à la fête de l'amour? C'était quoi? C'était quoi l'amour? L'année de l'amour? Ouais. Il répondait pas clairement à ça. Pourquoi est-ce qu'il était tanné? Il était tanné du service d'amour? Comment est-ce qu'il disait ça? Tanné de l'amour. Il était tanné de l'amour. L'amour de la vie. L'amour de la vie. OK. Pourquoi est-ce qu'il est tanné de l'amour de la vie? Parce que l'amour, c'est de la marque. Parce que l'amour, c'est de la marque. C'est au bout. Puis le pire, c'est qu'ils ont raison. Mais écoutez bien ça. C'est pas fini. Savez-vous pourquoi est-ce qu'ils ont raison? Parce que l'amour, elle peut pas être connu tant que l'homme sera pas dans les terres. Fait que l'amour qui est vécu sur la terre ou l'amour qui est vécu dans la mémoire de ceux qui ont été sur la terre, ça m'aime mal. Fait qu'il a entièrement raison. Fait qu'ils deviennent écœurés de ça. M'en dis donc pourquoi est-ce qu'il... M'en dis donc qu'est-ce qui l'a amené à savoir que l'amour c'est de la merde. À force de t'entendre. À force de m'entendre. À force de m'entendre. Tu comprends? Tu vois? Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le plan? Généralement parlant. Son plan, lui. Si on s'amuse. Il s'amuse. À quoi? Travailler. À quoi faire? On casse les pieds des arbres. On casse les pieds des arbres. C'est le job! Il n'y a pas de différence entre un homme vivant dans la matière, sur le plan physique et dans l'ignorance, et un mort qui est désincarné qui est au bord. Il n'y a pas une crise de différence. La seule différence, c'est que vous autres, vous avez les zizi, puis les autres n'ont pas. C'est la seule différence. N'importe. La seule différence entre l'homme sur le plan physique et eux autres, c'est que vous autres avez un corps physique. Les autres n'ont pas. Le reste, c'est toute la même chose. D'abord, oui. Ça peut leur aider? J'ai déjà dit que l'homme fusionnera dans la matière. Faut que tu descendes dans la matière pour fusionner, pas d'autre part. Bon ouais, ça y est. Ça y est en maudit, tout. Mais faut qu'il descende, c'est pareil. L'amour, c'est de la merde, pour que moi je puisse la réaliser, ça ressemble à ça. Ouais, exactement. Puis ça, c'est subtil ce que tu viens de dire. Écoute bien ça. Lui, il dit que faut que lui en haut réalise que c'est de la merde pour que lui, ici, le réalise. Fait que si lui en haut réalise que c'est de la merde, lui en bas, il le réalise. Parce que ce qui est en haut et en bas, ça se connecte, ça va là. Tu comprends? Mais tout d'un coup, il ne réalise pas. Lui est foutu ici. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que c'est pas lui en haut qui le réalise, c'est lui en bas qui le fait réaliser en lui parce que c'est lui en bas qui les oreilles. C'est pas lui en haut qui les oreilles. C'est lui en bas, ça passe par son système en lui, puis ça monte en haut après. Pis c'est important pour nous autres. Parce que c'est nous autres, ici, qui doivent réaliser quelque chose, pas eux autres en haut. Nous autres, ici. Quand nous autres, ici, on a réalisé quelque chose, eux autres en haut, ils se tassent. Ils ont rien que ça à faire, eux autres. C'est tossé. Parce que un jour ou l'autre, ils vont être obligés de revenir dans la matière et nous. Fait qu'on n'est pas pour commencer à s'occuper des morts. On a assez à enseigner vivant. Écoute bien ça, celle-là. M'en dis donc pourquoi j'ai pas de sympathie pour les morts, qu'est-ce que tu dis? On est foutus. OK. Dans quel sens qu'ils sont foutus? On est déjà mort. Ça veut dire quoi, ça, dans mon langage? que la vie, c'est pas de la vie. La vie, c'est pas de la vie. Qu'est-ce que c'est de la vie? L'absence de mort. L'absence de mort? C'est ça de la vie. C'est l'absence de mort. C'est ça de la vie. La vie, c'est de l'absence de mort. Quand je dis, moi, il faut qu'un jour l'homme ne meure pas. Ça veut dire. La vie, c'est de l'absence de mort, puis tant que l'homme est obligé de mourir, c'est pas de la vie. C'est de l'existence, puis ils s'en vont. Puis ce qui est difficile dans tout ça, c'est que je suis obligé de parler, puis je sais que ça va prendre un certain nombre d'années, puis je sais qu'il y a un certain nombre qui vont passer à travers, je sais qu'il y en a un petit nombre qui vont passer à travers. Autrement dit, c'est comme si tu parlais à une foule et à une foule d'individus, puis tu sais qu'il y en a un certain nombre qui vont passer à travers. Mais au moins, ceux qui vont aller de l'autre bord après, ils vont avoir su quelque chose dans leur expérience matérielle, pour qu'ils en arrivent dans d'autres incarnations, à eux autres aussi passer à travers. Mais l'affaire de pas... L'affaire de réaliser que la vie, c'est au-delà de la mort. C'est pas facile pour l'homme. Mais ça se comprend. Et tout ce qui est en deçà de la psychologie est posé. Tout ce qui est en deçà de la télépathie d'ambiance mène à la mort. Tout. Fait que c'est inutile de faire des grands sermons sur la mort ou l'immortalité. Tout ce qui est en deçà de la télépathie d'ambiance, c'est automatiquement, mène automatiquement à la mort de l'homme. C'est pour ça que je dis que c'est important pour l'homme, au cours des générations à venir, de comprendre la nécessité de ne jamais se faire juger dans son intelligence. D'être toujours son propre juge. Puis c'est pas facile pour l'homme d'être son propre juge parce qu'il est toujours jugé dans son intelligence par ces crottés-là qui sont au bord et qui communiquent avec lui. C'est pour ça que les autres perdent leur job, parce qu'ils sont obligés de réaliser... Automatiquement. Exactement. Exactement. Exactement. Tu penses que du chômage, c'est... Tu me dis qu'il va en arriver au bord de l'heure. L'homme doit en arriver, il doit en arriver, et il en arrivera au cours des siècles à réaliser que lui doit être son propre juge. C'est la seule façon qu'il ne puisse pas être affecté par la télépathie ambiante. Mais celle-là. Je t'ai intelligent, moi, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? Parce qu'il sait pas ce qu'il veut. Parce que je sais pas ce que je veux. C'est intéressant, ça dit d'expliquer ça plus clairement. Parce qu'il est mal branché. Alors, c'est subtil, ça. C'est bien subtil. Tu sais, quand je parle tout à l'heure de voir à travers la psychologie d'ambiance, c'est ça que je veux dire. C'est impossible à eux autres d'être plus clairs qu'ils peuvent être là. Il n'est pas capable, lui en haut, d'y expliquer à lui en bas plus clairement. Il fait son possible. Faut avoir la vibration pour voir à travers eux autres. Sans ça, si t'as pas la vibration, tu restes pogné dans l'émotion de la forme, puis à ce moment-là, t'entends dans ta tête ce que lui dit. Au lieu de comprendre ce qu'il veut dire. Rapporte-moi les dons. Je veux dire, par le fait qu'il est mal branché, c'est que normalement, les hommes subissent l'influence des morts. Et si toi, tu subis pas l'influence des morts, il est mal branché. C'est ça. Exactement. Comprends-tu, Vinny? Hein? T'es au bout. C'est celui-là qui est mal plugué, qui est mal plugué. C'est ça. Celui qui a... Moi, autrement dit, je suis mal plugué. Moi, je suis tout croche. Comprends-tu? Puis vous autres, vous êtes tous corrects. C'est pour ça que je dis souvent, pour vous faire joker, pour vous faire rire, je dis, le monde est tout fou, il y a que moi qui est correct. Je fais exprès de parler de même. Mais dans le fond, je sais ce que je veux dire. Comprends-tu? Bon. C'est pour ça que quand je parle de la psychologie d'ambiance, même si vous avez une psychologie d'ambiance qui provient d'un contact avec le haut astral, ça n'a pas d'importance parce que c'est impossible pour eux autres de vous éclairer plus que vous autres, vous pouvez vous éclairer par vous-même. C'est impossible. C'est impossible à eux autres d'éclairer l'homme plus que l'homme peut s'éclairer par lui-même. Ça veut dire que c'est impossible à l'homme d'être immortel s'il est plus ou moins en relation vibratoire avec la psychologie d'ambiance. C'est pour ça que l'immortalité sur la Terre pendant des siècles, ça a été vécu, ça a été connu par un très très petit nombre d'hommes, je comprends, parce que tout le monde était bien branché. Fait que c'est grave en maudit, à faire. Vous autres, vous êtes chanceux parce que vous me connaissez. Fait qu'il y a déjà un chemin de fait. Mais moi, quand j'ai été fusionné, pensez-vous, imaginez-vous pas que ça a été facile pour moi de vivre ma fusion, moi. Parce que moi, j'étais obligé de détruire la psychologie d'ambiance pour rentrer dans mon intelligence. Puis laisse-moi dire qu'au début, c'est pas aussi facile qu'on pense. Parce que la mémoire. Ben, bah, ouais, raison, bah, ouais, raison, bah, ouais, raison. Mais il y a un crisse de bout, bah, ouais, raison. Un jour, tu disais toi-même, moi, je dois. Qu'est-ce que c'est cette affaire de ouais, raison, là? Tu parlais du monde, tu parlais du monde, tu parlais du monde, tu parlais du monde, puis tu parlais du monde, puis tu n'arrêtes jamais de parler du monde, t'as tout raison, t'as tout raison. Et éventuellement, ça te crée un build-up d'énergie incroyable dans le mental. Fait qu'avoir raison, puis être dans ton intelligence, c'est pas aussi facile, puis c'est pas aussi le fun que vous pensez, vous autres. C'est bien plus fun, c'est bien plus sécurisant d'être plugué à eux autres en haut. Parce qu'eux autres vont te donner leur interprétation du réel. Tandis que toi, tu es obligé de découvrir ton réel par toi-même. Contre toutes les interprétations qu'eux autres peuvent te donner à l'infini. Fait que je te dis que tu as une maudite job à faire quand tu fusionnes. Qu'est-ce qu'il aime ça, jouer à ça? C'est évident, hein, qu'il aime ça, jouer à ça. Parce que ça fait partie de leur civilisation. Ça fait partie de leur monde. Ça fait partie de leur monde. C'est aussi normal pour eux autres de jouer à ça que pour toi de jouer au hockey. C'est des games pour eux autres. Ça sent. Ben, c'est vrai, évidemment. Évidemment, ça va cause à mon donné. Garde, Mandy, qu'est-ce que c'est leur plus grand plaisir? S'amuser. Avec quoi? De quoi? Avec la vie des gens. C'est le plus grand plaisir. Puis nous autres, on est tu comme des beaux yo-yo, puis on prend ça comme du cash. Spiritualité, l'ésotérisme, l'occultisme, papa. On prend ça, puis on en parle. Moi, il y a des choses, là, il y a des choses que je peux pas vous dire aujourd'hui, mais je veux dire dans le temps. Il y a des choses que je veux vous dire, là, j'en ai tellement de choses que je veux vous dire, que j'ai hâte de pouvoir les dire. Mais c'est inutile de vous les dire avant le temps, parce que ça va vous passer, c'est vibratoire, fait qu'automatiquement, vous allez accrocher à ça formellement au lieu de laisser passer avec l'énergie. Le monde de la télépathie ambiante, c'est le monde de l'homme. La télépathie ambiante, le monde de la télépathie ambiante, c'est le monde de l'homme. C'est l'univers mental humain. C'est l'univers mental humain. Et l'univers mental humain concrétisé dans la matière crée la civilisation matérielle de l'homme. Fait que c'est évident que l'homme, sur le plan matériel, ne peut pas créer une civilisation réelle, une civilisation basée sur les lois d'énergie, une civilisation basée sur la magie de l'intelligence. Pourquoi? Parce que tout son savoir, il est en fonction d'eux autres. On vit en fonction d'eux autres. Ce qu'on crée sur la Terre, nous autres, nos automobiles, nos routes, nos buildings, toutes nos inventions, ça vient d'eux autres. Ça vient pas de nous autres. Ça vient d'eux autres. Tout ce qu'on crée, c'est ça vient d'eux autres. Qu'est-ce que c'est la différence, Mandeur? Qu'est-ce que c'est la différence entre l'aspect inventif de l'homme et l'aspect créatif d'eux autres? N'est pas. Mais ça va être pire. N'est pas! Alors, quand l'homme aura compris ça, quand l'homme aura réalisé ça, il dématérialisera instantanément son corps matériel. Il commandera à la nature. Il travaillera avec des intelligences qui sont avancées. Il créera une science qui fait partie de l'intelligence en évolution sur le globe matériel. Il sera dans le réel. Qui apparaîtra comme étant de la haute magie à la plus haute science cartésienne d'aujourd'hui. Fait que quand l'homme est suffisamment éduqué et suffisamment conscientisé et capable de réaliser qu'il n'y a pas de différence entre ce qui se passe de l'autre bord et ce qui se passe ici, c'est grave en maudit. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'homme n'est pas sur la Terre. Alors, si l'homme n'est pas sur la Terre, qu'est-ce que c'est qui est sur la Terre, Mandeur donc? Le vide. Le vide. C'est le vide. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas... Pourquoi est-ce qu'on a l'impression, nous autres, que ce qui se passe sur la Terre, c'est le plein? Parce qu'il nous laisse croire. Puis comment est-ce qu'il pourrait pas nous... Comment est-ce qu'il pourrait ne pas nous laisser croire? En faisant rien. Eux autres en faisant rien. OK. Puis s'ils faisaient rien, eux autres, qui c'est qui arriverait sur le plan matériel? Hein? Il n'y a plus de place pour nous autres. Il n'y aura plus de place pour nous autres? Non, il n'y a plus de place pour eux autres. Il n'y aura plus de place. Écoutez bien celle-là. Ils disent que s'ils faisaient rien, eux autres, moi je demande, qu'est-ce qui arriverait à nous autres sur le plan matériel? Il n'y aura plus de place pour eux autres. Ça veut dire que la place pour eux autres, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça, la place pour eux autres? Qu'est-ce qu'il veut dire par place pour eux autres? Qu'est-ce que ça signifie en termes de réalité, ça? La place pour eux autres, c'est la place du long d'ouvrage. C'est la place où il y a des gens. Tant qu'il y a des gens pour recevoir, ils sont là. C'est la place pour eux autres. Alors, leur place pour eux autres, c'est quoi? C'est dans notre cerveau. Ah. Alors, eux autres existent dans notre cerveau. C'est pour ça que je disais un jour que le monde de la mort, il est dans le cerveau de l'homme. C'est pour ça que je disais un jour que tous les morts sont dans tous les cerveaux de l'homme sur la Terre. Puis quand tous les cerveaux de l'homme sur la Terre seront conscientisés par l'instruction mondiale, il n'y aura plus de mort. Alors, où est-ce qu'ils vont être, eux autres? On change de place. Change de place. Ils vont aller où? Au bout du monde. Au bout du monde? Ça veut dire quoi? Ça veut